Dis comment Nyanga. Nous sommes dimanche 7 août 2022. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sangamelo à ce journal. Et donc, voici d'abord le sommaire. Le directeur du bureau provincial de la santé à mairie de Bujumbura a lancé un appel aux habitants de la mairie au bon usage des moustiquaires imprégnés. Cet appel intervient au moment où le début de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés au niveau national et pour l'année 2022 est prévu à partir du 5 septembre de l'année en cours. L'entreprise Frontier Holding Limited de l'Inde a introduit une requête demandant la manifestation d'intérêt, demandant l'installation d'une usine de traitement de gestion des déchets solides au Burundi en produisant des engrais organiques, nous le dira dans ce journal Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Cette coopérative collinaire Sangwe des 32 coopératives opérant en commune Rumongue sont les seules qui ont déjà demandé et reçu les 10 millions de francs boules accordés par le gouvernement burundi. Vous aurez les détails dans ce journal dont la mise en œuvre est assurée par Albert Ndouaïo. Page sécurité pour ouvrir ce journal. Les corps sans vie ont été retrouvés tôt ce matin, dimanche, hier, samedi, sur les collines Gabiro-Ruzagira et Kilamira, toute de la commune Rugombo. La première victime est connue sous le nom de Mayang Eloui, âgé de 50 ans, père de 7 enfants. Et a été tuée, étranglée par les personnes non encore identifiées. Et la dépouille a été découverte par les cultivateurs. Les mobiles de cet assassinat ne sont pas encore connus. La deuxième personne non identifiée a été retrouvée sur la colline Kilamira de la commune Rugombo, à la frontière avec la colline Marumbu de la commune voisine de Mugina. Le secrétaire exécutif permanent de la commune Rugombo confirme ces assassinats. Cette autorité admet que des enquêtes sont déjà en cours et interpelle la population à travailler de concert avec les forces de sécurité pour traquer les auteurs de ces meurtres. Page santé à présent, le directeur du bureau provincial de la santé à mairie de Bujumbura lance un appel aux habitants de la mairie de Bujumbura au bon usage des moustiquaires imprégnés, car les chiffres collectés montrent que le paludisme est toujours épidémique à mairie. Docteur Cléophile Akindavdi explique que certains des bénéficiaires des moustiquaires les utilisent pour d'autres fins et les vendent dans des marchés. Elle le dit au moment où le début de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés au niveau national est prévu à partir du 5 septembre de l'année en cours. Suivez Dr Cléophile Akindavi. Nous appelons à la population, nous recommandons à la population pour le bon usage des moustiquaires afin de se prévenir, parce que ces derniers jours, on constate que il y a une recrudescence des cas de paludisme. On rappelle que le paludisme, c'est une maladie grave qui peut tuer les gens si on ne se fait pas soigner. On rappelle que le dépistage, la prise en charge du paludisme, c'est gratuit. Donc il faut que la population se fasse soigner. Mais aussi, une fois qu'on a fait la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, qu'ils en fassent bon usage, parce que vous savez que ces moustiquaires, ça a une durée de 5 ans, mais vous savez que chaque 3 ans, on fait la distribution, donc qu'ils en fassent bon usage. Je vous le disais en titre, l'entreprise Frontier Holding Limited de l'Inde a introduit une requête demandant la manifestation d'intérêt, demandant l'installation d'une usine de traitement et gestion des déchets solides au Burundi en produisant de l'engrais organique. Le mémorandum relatif a été analysé au Conseil des ministres tenu au cours de la semaine. L'entreprise devra verser une garantie à la banque centrale pour mesurer son degré d'engagement. Suivez à ce propos Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Dans le contexte actuel d'expansion rapide des villes et d'une forte croissance démographique, surtout en mairie de Bujumbura, le volume de déchets, que ce soit solide ou liquide, ne cesse d'augmenter, d'où leur gestion efficace revêt une importance primordiale pour améliorer le cadre de vie des populations et pour protéger l'environnement. Malgré les efforts consentis par le gouvernement en adoptant la politique nationale d'assainissement et en mettant en place des services techniques pour maintenir la propreté dans la ville de Bujumbura, l'assainissement reste précaire et plus particulièrement en ce qui concerne les déchets solides. Au-delà des conséquences directes sur la santé et l'environnement, le manque d'assainissement constitue un obstacle au développement de l'investissement extérieur et en particulier au tourisme. L'entreprise Frontier Holding Limited de l'Inde a introduit une requête demandant la manifestation d'intérêt pour l'installation d'une usine de traitement et de gestion des déchets solides au Burundi. C'est dans ce cadre que le dit mémorandum a été préparé. L'objectif de son mémorandum d'entente est d'assurer la gestion rationnelle des déchets solides dans la ville de Bujumbura en produisant notamment de l'engrais organique. Après échange et débat, le Conseil des ministres a constaté que ce projet, bien qu'intéressant, ne doit pas faire objet d'un mémorandum. Une lettre du ministre en charge de l'environnement reprenant le contenu de son mémorandum sera adressée à l'entreprise. Il faut lui signaler que le projet est bon, mais lui indiquer les normes environnementales à respecter. Afin de mesurer son degré d'engagement, il faudra qu'elle verse une garantie à la Banque centrale. Pour le reste des procédures, il faudra que le promoteur entre en contact avec le ministère en charge de l'industrie. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'on poursuit ce journal par la page commerce. Certains des commerçants œuvrant au marché communément appelé chez Buhinja, c'est à la colline Murambi de la commune Kibago dans la province de Makamba, grognent de l'état des locaux de ce marché malgré sa contribution pour l'économie communale. Pendant la saison pluviale, leur commerce est momentanément interrompu. Au cas où, lors de l'été, le vent ne manquait pas de causer également de dégâts, car les toits de ces locaux ne sont qu'empaillés. Quant à son aménagement, l'administrateur communal dit qu'on a manqué d'appui pour l'achat de terrain, car son marché se trouve pour le moment dans les propriétés des particuliers. Les détails avec Élise Quitter. Arrivé à ce marché de chez Buhinja, se trouva juste à la frontière du Burundi avec le pays voisin de la Tanzanie, du côté de la colline Murambi, dans la commune Kibago de la province de Makamba, les locaux en toit de paille en sont l'indication. Certains des commerçants œuvrant dans ce dit marché, composés des Burundais et des Tanzaniens, disent que ces locaux ne leur facilitent pas le commerce, bien qu'ils y contribuent beaucoup pour l'économie communale, ce qui s'affirme même par les administratifs. Ces commerçants demandent l'aménagement du marché, car ils déménagent chaque fois les marchandises, ce qui favorise le vol. En outre, ils expliquent que leur commerce est momentanément interrompu durant la saison pluviale et couvre leurs marchandises des sachets pendant ce moment. Et lors de l'été, quand le vent souffle, ils expliquent qu'ils remportent leurs marchandises et endommagent ces locaux. Les mêmes commerçants disent qu'ils ne peuvent pas construire des maisons durables car ils ne font que louer les places qu'ils occupent, c'est là qu'ils n'ont pas de place qui leur sont propres. L'administrateur de la commune Kibago, Espérance Inarukundo, dit qu'on a manqué d'appui pour l'achat du terrain, car ce dit marché se trouve à l'heure actuelle dans les propriétés des particuliers, au cas où la commune se trouve dans l'incapacité de pouvoir acheter le terrain de son marché. Depuis Murambi, dans la province de Makamba, Élisée Kwizera pour la radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera pour tous ces détails. Une coupure intempestive du courant électrique et l'insuffisance d'eau pour l'arrosage des cultures en serre des légumes sont certains des défis auxquels fait face le bon fonctionnement du coopérative Ngorembone exerçant leurs activités en zone Kabuye, commune et province Kayanza. Propos de Nyabenda Kom, représentant de la coopérative Féniste Nduimana, conseiller du gouverneur en charge du développement, tranquillise que les transformateurs ont été commandés pour pallier ce problème lié à la coupure d'électricité. Des détails avec Patrice Nkiumfa. La coopérative Ngorembone, dont les principales activités sont de la transformation de l'huile de macadamia et la culture en serre des légumes, a commencé les activités en 2019 et regroupe aujourd'hui 200 membres d'après Kome Nyabenda, représentant de la coopérative. Celui-ci précise que la réalisation des projets a été financée par Agrobusiness Service avec l'appui de l'organisation internationale Christian Aid. Alors que le projet prendra fin le mois courant, Nyabenda Kome, le représentant de la coopérative Ngorembone, indique que la coopérative souffre beaucoup de la coupure d'électricité en zone Kabuye qui paralyse les activités liées à la transformation de l'huile de macadamia. Un autre défi auquel la coopérative fait face, c'est le son représentant de Ngorembone, et le manque d'eau pour l'arrosage des légumes cultivés en serre. La coopérative, via son représentant, demande à l'organisation internationale Christian Aid et à l'administration d'intervenir pour des solutions à ces problèmes. Emile Kamwenoubusa, chef du projet, appelle les membres de la coopérative Ngorembone à ne pas toujours chercher à dépendre de la Christian Aid dans la réalisation de leurs projets, mais plutôt d'user de différentes formations en entrepreneuriat subi pour développer davantage leur coopérative. Pourtant, il tranquillise les membres de la coopérative que dans le possible, l'organisation qui les représente interviendra. Venu Stendouimana, conseil des gouverneurs en charge du développement à Kayanza, demande aux membres de la coopérative la pérennisation des acquis et la vulgarisation des connaissances auprès des autres membres des associations et coopératives de développement à Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. De Kayanza Cap sur Mongue pour parler également de la page Société. Cette coopérative collinaire Sangwe des 32 coopératives opérant en commune Rumongue sont les seules qui ont déjà demandé et reçu les 10 millions de francs burundais leur accordé par le gouvernement. Jérémy Widimana, administrateur communal de Rumongue, qui donne ces chiffres, dit avoir déjà reçu des informations de la part de certains membres de ces coopératives qu'il est pratiquement impossible de rembourser ce prêt s'il n'est pas autorisé de l'affecter dans le commerce. Pour eux, la première tranche affectée dans le secteur agricole n'a pas été rentable. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Dans 32 coopératives Sangwe établies sur les 32 collines que compte la commune Rumongue, seules 7 coopératives sont déjà venues demander et ont reçu les 10 millions de prêts leur accordés par le gouvernement burundais pour le développement agricole sur ces collines, selon Jérémy Wizimana, administrateur communal de Rumongue. Il indique que certains membres de ces coopératives hésitent encore à s'engager, estimant qu'il est difficile de rembourser ce prêt en commune Rumongue s'il n'est pas affecté dans le commerce. Selon eux, le premier prêt affecté dans l'agriculture et l'élevage a été une perte, certains expliquant qu'il est difficile de pratiquer des cultures sous les palmiers à huile dominant dans cette commune. Et pour d'autres, le cheptel porcin a été décimé par une maladie. Mais il y a d'autres qui ont pris le premier prêt pour don et se sont partagés les 10 millions. Une seule colline étant la seule ayant déjà remboursé 7 des 10 millions du premier prêt, selon l'administrateur communal de Rumongue, qui déclare que l'argent qui ne sera pas récupéré sera remis au phonique. Certains parmi les responsables de ces coopératives ont pris fuite jusqu'à l'extérieur du pays après avoir échoué de rembourser le premier prêt, à l'instar du président de la coopérative Sangwe dans le quartier Ngayamba de la ville de Rumongue. Jean-Pierre Misago depuis Rumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Place à la chronique nutrition, les fleurs et feuilles de banane sont riches en plusieurs vitamines comme C et E et contiennent de nombreux antioxydants. Gilbert Nangwahafi, chercheur nutritionniste, explique que les feuilles de banane sont utilisées pour lutter contre le rhume, la grippe et la toux. Elles sont aussi utilisées pour prévenir et traiter des maladies telles que les plaies et problèmes de muqueuses. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonka. Les fleurs de banane sont riches en plusieurs vitamines qui favorisent l'élimination des radicaux libres, selon chercheur nutritionniste Gilbert Nangwahafi. Ces fleurs sont utilisées pour lutter contre le rhume, la grippe et d'autres maladies. Elles contiennent des vitamines comme vitamine C et E. Les fleurs sont riches en minéraux comme le fer, le cuivre, le magnésium, le potassium, le calcium, les fibres et les protéines. Concernant ces bénéfices ici de la santé de l'homme aussi, elle est riche en vitamines comme vitamine E. Et vitamine A, vitamine C, en d'autres minéraux comme le phosphore, le cuivre, et renferme de nombreux antioxydants, et notamment l'éthanol, qui va favoriser l'élimination des radicaux libres, ce qui va permettre de prévenir contre les infections virales. La fleur de banane est un excellent remède naturel contre les cycles menstruels exagérés chez certaines femmes. Elle rassure la production des globules rouges et lutte contre la malnutrition, selon Gilbert Nangwahafi. La fleur de bananier assure la production des globules rouges dans le sang, augmente aussi le niveau de l'hémoglobine en réduisant bien sûr la coagulation sanguine, lutte contre les douleurs prémenstruelles et saignements menstruels excessifs. Les fleurs de bananier aident aussi les femmes allaitantes dans la production dirait maternelle, lutte contre la malnutrition aussi et permet aussi de soigner l'anémie grâce à sa richesse en fer. Ce chercheur explique que les fleurs de banane sont utilisées pour le bon fonctionnement des reins et réduit l'hypertension artérielle. Les fleurs de banane sont utilisées aussi pour le bon fonctionnement des reins et de l'utérus, régule le cycle menstruel, c'est un antidépresseur naturel, réduit l'hypertension artérielle et le diabète, lutte contre les ulcères et la constipation, lutte contre les maladies cardiovasculaires et la cataracte, élimine aussi les rides du visage. Concernant sa préparation, les fleurs de banane peuvent être utilisées dans la préparation de la viande et les consommer dans la soupe. On peut l'utiliser dans la préparation des viandes, des poissons. On peut l'utiliser aussi en salade, sous forme de thé, en soupe. Lorsqu'on veut perdre du poids, on peut aussi l'utiliser comme d'autres légumes. La culture de banane est originaire de l'Asie du Sud-Est et serait apparue en Afrique il y a 3000 ans. Voilà, c'est sur cette chronique nutrition que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Nouaïa pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndzikwanyanga. Continuez à savourer cette journée dominicale. Au revoir.